fois que d'après, de soins coquets, qu'elle traque pour ma chambrière. Enfin, c'est fait, elle paraît la parisienne armée aux guerres. On la voyant, on devient fou, et l'on ressent là comme un choc, comme un choc, choc, comme un choc. Ça rompe mes frappes, ça rompe mes frappes, ça rompe mes frappes. Le nez en ventre, ton trottant, elle s'en va droit devant elle. En la croisant, chaque passant s'arrête et dit: Dieu, quelle belle! Ce compliment, elle l'entend et suit son chemin toute fière, se balançant, se trémoussant d'une façon particulière. En la voyant, on devient fou et l'on ressent là comme un choc, comme un choc, comme un choc. Ça rappelle,